الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors, dans l'arbre que nous avons schématisé, donc l'arbre des sciences tiré du livre l'Itqan al-Suyuti, science relative à la descente, au tanzil, ça se ramifie en cinq branches. Modalité de la descente, ça on l'a vu. Les circonstances de la descente, ça on l'a vu la dernière séance. Considération de l'événement, considération du temps, etc. Les premières révélations, les dernières révélations. L'ordre de la descente des versets, on l'a vu. C'est là où on a fait les premières et les dernières révélations. La façon dont le Coran a été descendu, des sens synthétiques, des sens analytiques, ça, les premiers doros. Et il nous reste, pour terminer les sciences relatives au Tanzil, cette branche-là, il nous reste les causes de la descente. Asbab nuzul, les circonstances causales. Suyuti Rahimahullah a dit que les savants ont consacré des livres aux causes de la descente. D'ailleurs, lui-même, il a écrit un livre sur Asbab al-Nuzul. Il a cité des noms, les noms de ces savants. Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, il est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Son cheikh. Risala de Ali ibn al-Madini ne se trouve. Il n'a pas de trace maintenant, il est introuvable. Il a cité al-Wahidi, al-Naysaburi. Son livre a été édité et il a été résumé par le cheikh l'imam al-Ja'bari, le grand savant dans le Qira'at et dans les sciences du Coran. Et il a cité Abu al-Fadl ibn al-Hajar. Abu al-Fadl ibn al-Hajar. Pas ibn al-Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl ibn al-Hajar. Suyuti a dit qu'il ne l'a pas trouvé complet, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé complet son livre. En fait, elle a une anecdote. C'est qu'Abu al-Fadl ibn al-Hajar a commencé son livre sur les causes de la révélation et il est mort avant de le terminer. Il est mort quand il est arrivé au verset où que vous soyez, la mort vous atteindra. Aynama takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burud mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Il est mort à ce verset-là, subhanallah. La plume s'est arrêtée et le cœur s'est arrêté en même temps. À ce verset-là. L'imam al-Ja'bari, dans l'introduction du Mukhtasar Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire l'abrégé sur les causes de la descente, comme j'ai dit, il a résumé le livre de l'Wahidi, il a dit le Coran dans sa descente se divise en deux. Une partie a été révélée sans circonstance causale, et une partie a été révélée suite à un événement, une question. En fait, ce qui a été révélé sans circonstance causale, c'est la plus grande partie du Coran, sans cause directe. Attention, quand on dit sans circonstance causale, nous entendons par là des causes particulières. Un événement, une question, quelqu'un pose une question, il a la réponse, yas'alunaka 'anil mahid, il t'interroge sur les menstrues, et là la réponse vient. La révélation divine descend en réponse à la question posée. Mais quant à la descente du Coran pour une raison ou parce que le besoin s'en fait sentir, ça c'est quelque chose d'évident. On est catégorique là-dessus. Le Coran a été révélé pour une raison sage. Parce que l'humanité en a besoin. La preuve. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Vous étiez au bord d'une fosse au-dessus du feu et il vous en a sauvé. Il a sauvé l'humanité, les croyants, les musulmans, il les a sauvés de l'enfer par ce Coran-là. Donc, ce Coran a été révélé pour sauver l'humanité. C'est une cause générale et fondamentale. Allah est trop transcendant. حَاشَ لِلَّهِ pour faire descendre le livre sans raison et sans réponse à un besoin. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. C'est en toute vérité que nous l'avons fait descendre, et il est descendu conforme à la vérité. Nous l'avons fait descendre dans le bon endroit et par la bonne langue. Et il est conforme à la vérité, dans le fond et dans la forme. C'est bon ? صدقاً وعدلا, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala sur la surat Al-An'am. Hein ? Vérité dans son contenu et vérité dans son objectif. Équité et vérité. Donc, c'est pour une raison sage qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre son livre. Et Allah, il a décrit son livre, et il a assimilé, il a dit que c'est un remède. Il a dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Il a dit, nous révélons dans ce Coran ce qui constitue une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Isra. Et les gens ont besoin de remèdes pour guérir leur corps et leur cœur. Et le Coran sert à ça. Ruqya, guérir le corps des maladies, et le cœur de shirk, guérir le cœur de l'associationnisme, de la bid'a, de la haine, l'envie, et tous ces mots-là qui gangrènent les cœurs et qui sont plus graves que les maladies du corps. À quoi sert la connaissance des circonstances causales? À quoi sert? Elles servent, cette connaissance a beaucoup d'utilité. Elle aide à comprendre certains versets ambigus. Quand on examine les causes qui entourent un verset, cela nous aide à le comprendre et à dissiper toute ambiguïté qui l'entoure. C'est très important de connaître la cause. Les circonstances causales, ça aide. L'exégète, il les utilise, les circonstances, pour expliquer un verset ou un passage coranique. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. À Allah appartient l'Orient et l'Occident, où que vous tourniez, là est la face d'Allah. Dans Surat Al-Baqarah. Quelqu'un va dire, écoutez les gars, là où se trouve le fidèle, sa prière est bonne. La Qibla n'est pas une condition de la validité de la prière. Bah, la preuve, donne-nous la preuve. Bah, la preuve, aynama walillahi al-mashriqu wal-maghrib, fa aynama tawallu fa thamma wajhullah. Il dit, voilà, Allah appartient à l'Orient et l'Occident. Où que vous tourniez, c'est bon, c'est la Qibla, c'est la face d'Allah. On va lui dire non. Ce verset a été révélé à propos de compagnons qui, lors d'un voyage, avaient fait halte à un endroit où il faisait très noir. Et certains de ces compagnons ont dit la Qibla est dans cette telle direction, et ils l'ont marqué par un trait, et d'autres ont fait la prière, d'autres ont dit non, c'est dans telle autre direction, et ils ont marqué les traits. Et quand le soleil s'est levé, ils s'aperçurent qu'ils n'ont pas prié dans la bonne direction, dans la direction rituelle, la Qibla. Et quand ils retournèrent de leur voyage, ils interrogèrent le prophète sallam, qui se tut un moment, puis reçut la révélation, à Allah appartient l'Orient et l'Occident, walillahi al-mashriq wa al-maghrib. Ça c'est un hadith, c'est une histoire, donc c'est une circonstance qui nous montre, qui nous explique ce verset-là. Le hadith Ibn Omar a dit que lors de ses déplacements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière surrogatoire dans la direction où l'orientait sa monture. Donc, dans ses voyages, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il orientait la monture vers la Qibla, il dit Allah Akbar, même si sa monture va à droite ou à gauche ou dans une direction différente de celle de la Qibla, il continuait sa prière. Donc ces circonstances-là nous aident à comprendre le verset-là. On dit non, ce verset est lié à des circonstances. Quand quelqu'un fait l'ijtihad, se trouve dans un endroit perdu, il ne sait pas où se trouve la Qibla, et il dit bon, moi je vais faire des ijtihad, bon, c'est pas peut-être par là, peut-être il n'a pas d'instrument, il n'a rien, et il a fait l'ijtihad, et il a fait la prière. Là, on va lui dire, oui, لله المشرق والمغرب. Là où que vous tourniez, c'est la face de la Qibla. Mais cela n'est pas une preuve pour dire, parce que là, ça va à l'encontre des versets péremptoires où Allah subhanahu wa ta'ala dit fawallu wujuhakum shatr al-masjid al-haram, tournez-vous vers la mosquée al-haram, vers la Kaaba. C'est bon? Donc ça aide, attention. Autre exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité, As-Safa et le Marwa font partie des rites d'Allah aussi pour celui qui fait le pèlerinage vers la maison ou qui fait la Umrah. Il n'y a pas de mal, nul grief, il n'y a pas de mal à faire le septuple parcours rituel entre elles. Inna As-Safa wal Marwata min sha'a'irillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima, fala junaha alayhi. Donc dans le sens littéral de ce verset, le tawaf, le sa'i entre Safa et Marwa, le sa'i, le septuple parcours entre Safa et Marwa n'est pas obligatoire si on lit ce verset-là comme ça. C'est juste une tolérance, parce que le terme employé, fala junaha alayh, fala junaha, nul grief, il n'y a pas de mal, pas de blâme. C'est toléré, c'est une licence. C'est littéralement, on comprend ça. Bon, quelqu'un qui suit le sens littéral comme ça bêtement du Coran, il va dire bon voilà, c'est une preuve que le sa'i entre Safa et Marwa n'est pas obligatoire, alors que le sa'i entre Safa et Marwa est un des piliers du pèlerinage. Le pèlerinage n'est valable que s'il fait ça. Il faut faire très attention de lancer comme ça les versets comme ça, Sans revenir aux circonstances, sans comprendre si c'est un texte général ou particulier, abrogeant ou abrogé. Hein, si tu n'as pas le matériel qu'il faut, hein, tu t'accroches au sens littéral et tu tombes dans des choses catastrophiques. À cause de ça, quelqu'un peut rater son pèlerinage à cause de... Il dit voilà, bon, écoutez, là, il dit voilà, la junaha alaykoum. Enfin, la junaha alaykoum, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fait. Donc ça sous-entend que c'est juste une licence, une tolérance. Non, il faut revenir aux circonstances. Il faut revenir à la cause de la révélation pour comprendre ce verset-là. C'est qu'avant l'islam, il y avait des idoles. Une idole sur le mont Safa appelée Isef et une idole sur le mont Al-Marwa appelée Naïla. Et les idolâtres faisaient le tawaf entre ces deux idoles. Ils faisaient l'aller et le retour entre ces deux. Et quand vint l'islam, les musulmans se sont sentis gênés de faire le septuple parcours entre ces deux mondes. Ils ont dit, ils craignaient d'imiter les associateurs. Ils ont dit, bon, ce sa'i est un rite païen, des gens de la jahiliya faisaient ça, bon, ça. Allah subhanahu wa ta'ala révèle, il a fait descendre ce verset, il a dit fala junaha alayhi tawaf bihima, il n'y a pas de mal, là je vous, ce n'est pas grave, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui a été fait par les païens, mais ce sont en fait à l'origine des rites d'Ibrahim alayhi salam. Donc les circonstances causales dissipent tout problème de compréhension. Autre exemple, tous ces exemples, attention, tous ces exemples-là se trouvent dans l'Itqan de Suyuti. Nous sommes dans le chapitre 9. Marwan ibn al-Hakam, ça c'est un autre exemple. Marwan ibn al-Hakam, qui est un gouverneur, gouverneur Omeyyad à l'époque, il eut un problème de compréhension concernant le verset suivant. Ne pense pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont accompli et qui aiment être loués pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pense pas qu'ils seront à l'abri du châtiment, ils auront un châtiment terrible. Surat Al-Imran. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Ne pense pas que ceux qui se réjouissent de ce qu'ils ont accompli. Il a dit, il appela Ibn Abbas, il lui a dit, écoutez, si tout homme qui se réjouit de ce qu'il a accompli et qui aime être loué pour ce qu'il n'a pas fait, sera châtié, nous serons tous châtiés. Et Ibn Abbas lui dit, bon, en quoi ce verset vous concerne? Et il s'agit de certains gens du livre à qui le prophète sallam avait demandé qu'il lui fasse connaître une chose. Ils sont venus voir le prophète sallam, il dit, le prophète sallam leur a demandé une science, quoi, un renseignement, et là, ils lui ont dissimulé la vérité, ils lui ont donné une autre réponse, et ils ont donner l'impression qu'ils lui ont donné la bonne et obtinrent de lui des remerciements du genre voilà, bon, nous t'avons servi, nous t'avons aidé, nous t'avons rendu service, genre, vous comprenez. Et ils se réjouirent de la science qu'ils avaient dissimulée. Ils se réjouirent. C'est à leur sujet que se fut révélé ce verset-là. Hein? Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, lui récita: Souviens-toi, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. Il l'a ramené au verset qui est avant ce verset-là. Il a dit: Souviens-toi, ô Muhammad, lorsqu'Allah prit l'engagement de ceux qui reçurent le livre en ces termes, vous l'exposerez clairement aux gens et ne le dissimulerez point. Or, ils le laissèrent derrière eux et l'échangèrent contre un prix infime. وإذ أخذ الله ميثاق النبي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah a pris l'engagement qu'il faut qu'ils explicitent le livre et qu'il faut qu'ils ne le dissimulent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. Ils l'ont rejeté derrière leur dos et ils l'ont échangé contre un prix infime. Donc ce hadith se trouve dans le Bukhari. Donc il lui a expliqué que ce verset-là nous conseille, faut pas avoir peur, faut pas craindre, parce que ça c'est concernant quelqu'un qui dissimule la vérité. Ils ont dissimulé la vérité, ils commirent de graves péchés. La dissimulation de la science, le mensonge à un prophète, ce qui leur a fait mériter bien sûr ce châtiment. Et le fait de se réjouir d'avoir caché la vérité, subhanallah. Et donc ce n'est pas n'importe qui se réjouit de ses performances et qui aime être loué pour ce qu'il n'a pas fait. Bon, c'est vraiment un défaut, mais ce n'est pas n'importe qui est voué au châtiment. Dans la cause, donc la cause de la descente, a restreint la portée générale de ce texte-là. D'ailleurs, Suyuti, il a posé la question: qu'est-ce qui doit être pris en considération? Est-ce que la généralité du texte ou le sens particulier de la révélation de ce texte-là? Qu'est-ce qui compte? Sur quoi on doit se baser? La réponse, ce qui compte, c'est la généralité du texte. Ça, c'est une qaïda, c'est une règle. L'ibra, bi'umoum al-lafz, la bi'khusus al-nuzul. Ce qui compte, c'est la généralité du texte et non pas le sens particulier des circonstances causales. Suyuti a donné beaucoup d'exemples où on se base sur la généralité du texte. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala révèle, par exemple, fait descendre un verset sur quelqu'un de particulier, ça ne veut pas dire que l'énoncé juridique s'applique sur lui tout simplement. Il n'est pas général, non. Et les compagnons ont toujours pris les versets dans leur portée générale. Comme les versets sur Zihar, le Zihar. Suyuti a donné l'exemple du Zihar qui a été révélé sur ce qui s'est passé entre Salama ibn Sakhr et son épouse. Le Zihar, il consiste à s'interdire toute relation sexuelle avec sa femme en prononçant la formule en disant: tu es pour moi comme le dos de ma mère. Anti minni ou anti minni kadhahri ummi. C'est ce qu'on appelle zahar. Zahar, ça vient du zahar, le dos. Dire: tu es pour moi comme le dos de ma mère. C'est-à-dire comme une femme à tout jamais interdite. La femme reste frappée d'interdiction tant que le mari ne s'acquitte pas de l'expiation prescrite, la kafara, qui est l'affranchissement d'un esclave, en cas d'impossibilité, le jeûne de 2 mois consécutifs, et en cas d'impossibilité, la nourriture de 60 pauvres. Le verset en question se trouve dans Surat al-Mujadala, Surat 58. الذين يظاهرون منكم نسائهم ما هن أمهاتهن. Ça, le verset sur le zihar. Donc, les compagnons, ils se sont basés sur le sens, sur l'énoncé juridique général. Ils n'ont pas appliqué seulement à Sakhr et son à Salama ibn Sakhr et son épouse. D'accord? Il concerne, ces versets-là concernent n'importe qui fait le zihar, qui fait ça. Il est tenu de l'expiation prescrite. L'énoncé de ces versets ne se limite pas à Salama ibn Sakhr ou à Aws ibn Samit, parce qu'il a été révélé aussi, il a été révélé au sujet de Aws ibn Samit et son épouse. son épouse Khawla, radiallahu anha. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, l'exemple du serment d'anathème, li'an, quand le mari jure que sa femme a commis l'adultère. Hein? Les versets sur le li'an se trouvent dans le début de la sourate An-Nur, sourate 24. Hein? Ces versets-là ont été révélés sur Hilal ibn Umayyah et son épouse. Hein? Il a accusé sa femme d'adultère. Mais les versets sont généraux, c'est-à-dire le mari témoigne cinq fois, il jure, il prend Allah à témoin que sa femme a commis l'adultère. Et la femme aussi, elle témoigne cinq fois qu'elle est innocente. Si cela se passe comme ça, ben le juge sépare le couple. C'est ce qu'on appelle l'i'an, le serment d'anathème. Il a été révélé à propos de l'histoire de Hilal ibn Umayya et son épouse. Mais le texte général, il s'applique à tout le monde qui a commis ce li'an. Exemple, par exemple, de la peine prévue pour l'imputation calomnieuse de la fornication. Al-Qadf. Les versets se trouvent aussi dans le début de la sourate An-Nur. 80 coups de fouet. Fajidoum samanin ajalda. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة جلدة 80 coups de fouet au calomniateur qui n'apporte pas de témoin. Les versets ont été révélés, ces versets-là ont été révélés pour innocenter Aïcha dans l'histoire de l'Ifk, qissat l'Ifk dans la bataille de Bani al-Mustalaq, la calomnie dont elle a été victime. Ces versets-là ont été révélés pour l'innocenter. Et dans ce verset-là, on trouve l'énoncé juridique, c'est-à-dire la peine dont est passible celui qui calomnie une femme, qui l'accuse d'adultère et qui n'a pas apporté quatre témoins. Ben, il reçoit 80 coups de fouet. Oui, l'islam ne joue pas avec l'honneur d'une femme, attention. La loi s'applique à tout le monde, elle est générale, bien qu'on connaisse les circonstances causales. Pourquoi Ibn Abbas a limité le verset, ce verset-là, le verset que j'ai cité, ne pense pas que ceux qui se réjouissent, bien que il l'a limité à sa cause, c'est-à-dire aux gens du livre qui ont dissimulé la réponse. Bien que, comme je viens de le dire, que ce qui compte, c'est la généralité du texte et non pas le sens particulier de la cause. Hein? Il l'a limité. Suyuti, il a répondu que la question de la généralité du texte n'a pas échappé à Ibn Abbas. Ibn Abbas sait que les textes sont généraux à la base. Hein? Le fait que le texte soit plus général que sa cause, ça, Ibn Mas'ad, Ibn Abbas, il le connaît. Mais Ibn Abbas a expliqué que le sens de ce verset est particulier et non général. Le sens de ce verset-là est particulier et non pas, il n'a pas un sens général. Cela est comparable, comme a dit Suyuti, à l'explication par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'injustice dans la parole d'Allah. Ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucune injustice, ceux-là seront à l'abri et seront bien guidés. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Sourate al-an'am. Ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucune injustice, ceux-là seront à l'abri et bien guidés. Les compagnons, ils comprenaient la langue arabe. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Bon, terme indéfini, zulm, indéfini, dans une phrase négative, nakiratu fi siyaq an-nafi tufid al-umum. Ils ont compris la langue arabe, ils sont des gens éloquents. Ils ont dit, donc c'est toute injustice. La personne qui commet n'importe quelle injustice, elle n'est pas à l'abri du feu dans ce cas-là. Parce que le texte est général. Et n'importe quelle injustice, quelle que soit cette injustice, grande ou petite, ça vaut la personne à ne pas être exposé au châtiment d'Allah. Ils ont dit, voilà, ils trouvèrent ce verset pénible. Ils sont envoyés, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a couru vers lui, lui dire, envoyé d'Allah, qui d'entre nous n'a jamais lésé son âme en commettant un péché? Tout le monde commet des péchés. Ça veut dire que tout le monde n'est pas à l'abri. Seuls ceux qui n'ont commis aucune injustice, ils seront à l'abri, comme le prouve ce verset. Et le prophète sallam leur a dissipé cette ambiguïté. Il répondit, il dit, ce verset n'a pas le sens que vous lui avez donné. N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit à son fils le pieux serviteur, Luqman? Oh mon fils, n'associe rien à Allah. Vraiment, l'association est une injustice énorme. Ya bunayya la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Il s'agit de l'association de quelque chose à Allah. Donc, ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucune injustice veut dire ceux qui croient et ne mêlent leur foi d'aucun shirk, d'aucune association. Ceux-là seront à l'abri. Ce n'est pas n'importe quelle injustice, mais une injustice particulière, le shirk. Le shirk. Donc il a expliqué un verset par un autre verset. Il a restreint, là on touche les usul, il a restreint la portée générale du verset qui se trouve dans Surat Al-An'am par le verset qui se trouve dans Surat Luqman. Et ça a besoin d'un examen approfondi du savant, du usul. Ibn Abbas sait que le texte, qu'à la base, on prend un tiers argument de la généralité des textes. Mais là, il a restreint sa portée parce qu'il a une grande compréhension des textes en général. Ça a besoin d'un grand travail, d'effort, d'un grand jihad, d'un grand travail pour atteindre ce degré de compréhension. Donc le sens voulu par ce verset n'est pas un sens général, comme cela apparaît, mais un sens particulier. Ça, c'est une question des usul, l'importance des circonstances causales, comment il aide à comprendre un texte. Donc il y a des causes qui particularisent le sens des textes généraux. De toute façon, ça c'est une question et au sol. Alors, la première mas'ala traitée, c'est l'utilité de la connaissance des circonstances causales. Ça, nous venons de le dire. La deuxième mas'ala, c'est la généralité du texte et le sens particulier de la cause. Ça, nous voulons de le faire aussi. La troisième mas'ala, on ne peut dire que telle circonstance, là, on ne peut dire, troisième mas'ala maintenant, on est arrivé, troisième question, on ne peut dire que telle circonstance est la cause de la descente de tel verset ou tel passage que si cette connaissance est rapportée, ou cette circonstance, pardon, est rapportée par un compagnon, c'est-à-dire un récit avec sa chaîne de rapporteurs. On peut accepter les propos du tabi'in si la chaîne de rapporteurs est sûre. Et si ce tabi'i, j'entends par tabi'i la première génération, c'est-à-dire les pieux successeurs, les disciples des compagnons, si ce tabi'i fait partie des imams en matière d'exégèse, c'est-à-dire des imams qui avaient reçu les enseignements des compagnons comme Mujahid, Ikrima, Saïd ibn Jubair. Donc, et il faut aussi, vous avez compris ça, on ne peut dire que tel texte, telle circonstance est la cause de la descente de tel verset que si on dispose d'un texte, d'un dire canonique, d'une parole d'un compagnon ou d'un tabi'i. Et il faut que ce texte-là soit authentique. Et il faut aussi examiner l'expression employée par le compagnon à ce titre. Quand le compagnon dit « ce verset a été descendu dans cette circonstance au sujet d'un tel, nazalatil ayatu fi kada ». On la trouve dans les livres d'exégèse. Ils disent en général, les compagnons, les tabi'ins disent « nazalat fina, nazalat fi kada », elle est descendue sur tel, sur un tel, elle est descendue dans telle circonstance. Est-ce qu'on considère la circonstance comme cause de la révélation de ce verset? Quand il dit ça, est-ce qu'on le considère comme une cause de la vérité? Sebab nuzul huwad. Là, il y a divergence entre les savants. Là, on entre un peu dans des détails subtils de l'exégèse. Il y a des divergences entre les savants sur cette expression-là. Cette expression. Là, il y a l'étude de l'expression de termes employés par le compagnon pour en déduire que la circonstance est la cause de la révélation du verset. Il se peut qu'il dit, il est descendu, que ce verset est descendu dans telle circonstance, mais il ne veut pas dire que c'est la cause, il veut juste donner une explication, tout simplement. Ou il veut dire que le verset a été révélé en même temps que cet événement-là, ou suite à cet événement-là, mais pas la cause directe. Suyoté, il a cité différents avis. Parce que parfois, bon, comme j'ai dit, ils disent ça. Parce qu'ils disent ça, ils visent seulement l'énoncé juridique de ce verset. Ou il dit, ce verset est descendu dans cette circonstance. Mais il veut dire que l'énoncé juridique qui est tiré de ce verset-là s'applique seulement à cette situation-là. Donc il faut tahrir, ce qu'on appelle le tahrir. Tahrir al-kalam. Il faut examiner les propos du compagnon. Bref, il faut examiner. Il faut aussi que la circonstance causale, j'entre dans les conditions, il faut que la circonstance causale soit proche dans le temps de la descente du verset auquel elle correspond. Quand l'imam al-Wahidi, par exemple, l'imam al-Wahidi dit dans son livre sur les causes de la révélation, il dit que la sourate l'éléphant a été descendue à cause de la venue d'Abraha, l'Abyssin, pour détruire le Kaaba. C'est l'éléphant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les gens de l'éléphant? Sur le leur a envoyé Tayran Ababil, les oiseaux parvolés qui les ont détruits et qui ont détruit Abraha à leur tête. Il dit, voilà, la sourate l'éléphant était descendue à cause de la venue de l'éléphant d'Abraha l'Abyssin pour détruire la Kaaba. Or, l'histoire est arrivée, cette histoire-là est arrivée avant que la sourate ne soit descendue. Le professeur Salem venait seulement de naître quand cette histoire est arrivée. Donc, on ne peut pas dire que cet événement est la cause de la descente de la sourate l'éléphant. Mais celle-ci raconte ce fait, comme on le trouve dans tous les versets, dans beaucoup de versets du Coran, qui parlent de l'histoire d'Ibrahim, d'Ismaïl, de Yaqub, de Moussa alayhi salam, de Isa, de Samoud, de Ad, etc. Ça, c'est la troisième question. Quatrième question, comme a dit Suyuti, souvent les exégètes citent plusieurs causes pour la descente d'un seul verset. Ici, un seul verset, ils disent là, ça cause, celle-ci, celle-là. Dans ce cas, il a dit, il faut examiner l'expression employée par le compagnon. Si un des compagnons, on a par exemple deux causes citées, on trouve deux causes. Si un des compagnons a dit ce verset a été descendu dans telle circonstance, ou au sujet de telle chose, et qu'un autre a dit ce verset, le même verset, a été descendu dans telle chose, et qu'ils ont dit des choses qui ne sont pas des causes de la descente. Quand on a examiné ce qu'ils ont dit, ce ne sont pas des causes de la descente de ce verset. Nous comprenons que ce qu'ils désignent par leur expression Nazalat fi kada a été descendu dans cette circonstance, nous comprenons qu'ils visent par là l'explication tout simplement. Ils veulent juste expliquer le verset. Là, si le verset accepte les deux explications, elles sont toutes les deux adoptées. Comme quand un compagnon explique, ça c'est, un compagnon explique le sirat, il dit le sirat signifie l'islam. Un autre, il dit le sirat signifie la sunna. Bon, les deux sens sont valables, ils ne se contredisent pas. Donc, on les adopte tous les deux. Alors, deuxième cas. Si l'un d'eux dit ce verset a été descendu à propos de tel cas, dans telle circonstance, et l'autre compagnon a été plus explicite, il a déclaré que cette circonstance est la cause de la descente de ce verset. هذه الواقعة سبب نزول كذا. Ce verset, cette circonstance a été la cause, il déclare clairement, et que les deux propos tenu par les compagnons diffère. Là, il faut opter pour ce dernier, c'est-à-dire par le propos explicite. Exemple. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Le verset, vos femmes sont pour vous un champ, allez à votre champ comme vous voulez. Al-Bukhari, il rapporte qu'un des compagnons a dit que ce verset a été révélé à propos des relations avec sa femme dans son fondement, ça veut dire le koui anal. Il l'a dit, c'est une mauvaise compréhension, les compagnons se trompent. Dans les deux sahih, Jabir a dit, les juifs, là il parle de la circonstance, il a dit, les juifs prétendaient que si l'homme abordait sa femme par le dos et dans l'endroit habituel, pas dans le fondement, mais dans l'endroit habituel, l'enfant issu de tel rapport devenait louche. Et Allah, il a fait descendre le verset suivant qui réfute cette fable. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum. Vos femmes sont pour vous un champ, allez à votre champ comme vous voulez. Comme vous voulez, c'est-à-dire à l'endroit habituel. Le koui anal est strictement interdit en islam. Celui qui le commet est voué à la malédiction. Il est maudit comme le prouvent beaucoup de hadiths. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire prévaloir ? On doit faire prévaloir le hadith de Jabir, parce que l'expression de Jabir est claire. Il dit, voilà, certains juifs prétendaient, voilà, telle chose. Et là, Allah, il révéla. C'est cette circonstance qu'on doit prendre. Si, troisième cas, si un des compagnons a cité une cause, il a clairement dit que cette circonstance est la cause de la descente de tel verset. Et un autre compagnon a cité une autre cause de manière explicite. Là, il a dit la cause. Et que les deux causes diffèrent, là, on examine. Qu'est-ce qu'on examine ? On examine la chaîne de transmission des deux traditions, des deux propos. Et on adopte le propos dont la chaîne est la plus sûre. L'asah. C'est bon ? Exemple. Al-Bukhari Muslim rapporte que Jundub al-Bajali a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était souffrant. » Kana maridan, était souffrant, shtaka, le propos dans Sahih al-Bukhari, shtaka Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était souffrant, était malade. Et il n'a pas pu accomplir la prière du Qiyam, la prière surrogatoire de la nuit, pendant deux ou trois nuits. Il n'a pas pu accomplir la prière du Qiyam pendant deux ou trois nuits. Et une femme lui rendit visite, c'est la femme, cette femme est Jamil. L'épouse d'Abu Lahab, qu'Allah a voué à l'enfer dans Surat Tabbat Yada Abi Lahab. Il est venu le voir, il lui dit, « Oh Muhammad, je pense bien que ton Satan t'a quitté. Je pense bien que ton diable t'a quitté. » Ça veut dire la révélation divine et Jibril. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre la Surat, « Wadduha wal layli idha saja » par la clarté du jour, etc. Et jusqu'à, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ton Seigneur ne t'a point abandonné ni pris en aversion. Surat al-Duha. Nous avons déjà parlé de Fatrat al-Wahi, l'interruption de la révélation. Il y a eu rupture, puis après Allah subhanahu wa ta'ala lui révéla Duha. Wadduha wa layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ton Seigneur ne t'a point abandonné, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas détesté. Et cette femme, il voulut tirer mauvaise joie de l'état du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il veut le faire souffrir, c'est pourquoi il lui a tenu ses propos offensants. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a consolé et lui révéla la surat al-Duha. Ça, c'est le Bukhari Muslim rapporte ce fait-là. Tabarani, il rapporte avec sa chaîne d'autorité qu'une servante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là, l'autre texte, là je parle de notre texte considéré comme une cause de la révélation de Surat al-Duha. Tabarani, il rapporte qu'une servante du prophète sallam, Khawla, il s'appelle Khawla, il a dit qu'un petit chien entra dans la maison du prophète sallam et se cacha sous le lit. Et il mourut. Et durant plusieurs jours, le prophète sallam ne reçut aucune révélation. Il a dit sallam, à sa servante, « Oh Khawla, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de l'envoyé d'Allah ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de l'envoyé d'Allah ?» Il a dit, « Jibril ne me rend plus visite. Qu'est-il arrivé ?» Elle lui répondit, « Par Allah, il n'y a pas de jour meilleur qu'aujourd'hui. » C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est bien. Et le prophète sallam prit son manteau et sortit. Et puis Khaoula s'est dit, bon, pourquoi ne ferais-je pas le ménage? Je fais un peu de nettoyage dans la maison. Et il a dit, j'ai pris le balai et j'ai commencé à balayer sous le lit et j'ai senti quelque chose de lourd, que le balai traînait. Je l'ai fait sortir et c'était un petit chien mort. Je l'ai jeté derrière la maison et le prophète sallam revint à la maison tout en tremblant. Et quand il a dit quand le prophète sallam d'habitude, quand il recevait la révélation, il tremblait. Il tremblait. Et là, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Khawla, il dit, couvre-moi, couvre-moi. Et il l'a couvert, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, wa-duha wa-layli idha saja, par la clarté du jour. Donc nous avons deux textes qui sont considérés comme une cause de la révélation de Sourate Ad-Duha. Dans son explication du Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani a dit, l'histoire du retard de la venue de Jibril à cause de la présence du petit chien dans la maison du professeur Salam est célèbre. Mais le fait qu'il soit la cause de la révélation de Sourate Ad-Duha me paraît bizarre. En plus, dans sa chaîne de transmission, il y a des rapporteurs qui sont inconnus. Ça, c'est un savant du hadith qui dit ça. Il faut donc se fier à ce qui se trouve dans le Sahih. C'est-à-dire, le mu'tamadu ma fi Sahih. C'est ce qu'a dit Ibn Hajar. Donc, on fait prévaloir le récit le plus authentique qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est bon? On a deux causes. Donc on fait prévaloir le plus authentique. Quatrième cas, il se peut qu'un même verset soit révélé suite à deux causes. Comme les versets sur le serment d'anathème que j'ai dit, li'an, le verset de la dernière séance. L'i'an, quand l'homme, le mari, accuse son épouse, doute de la fidélité de son épouse, il l'accuse d'adultère. Le Sponsor a révélé ceux qui accusent leurs épouses d'adultère et qui n'ont d'autres témoins à fournir qu'eux-mêmes, chacun d'eux aura juré 4 fois devant Allah qu'il ne dit que la vérité, etc. etc. Les premiers versets, les versets 6 jusqu'au verset 10 de Sourate An-Nur. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات. البخاري rapporte d'après Ibn Abbas que ces versets-là ont été révélés suite à l'accusation par Hilal ibn Umayya de son épouse, accusation d'adultère. Et le Bukhari Muslim rapporte d'après Sahl ibn Sa'd qu'ils ont été révélés au sujet de Umair al-Ajlani et sa femme. Donc nous avons deux cas, deux situations, deux circonstances de la révélation causale de la révélation de ces versets-là. Donc deux circonstances. Les deux circonstances sont acceptées. C'est-à-dire, on peut dire que ces versets-là ont été descendus à cause de ces deux situations-là. Et sauf que Suyuti, il a émis une condition. Il a dit, c'est que il faut que les deux événements ne soient pas être loin l'un de l'autre dans le temps. Faut pas qu'une longue période les sépare. Pour dire que les deux circonstances, que la descente des versets, c'est-à-dire accepte les deux circonstances. Cinquième cas. Si on ne peut pas réunir les causes, on ne peut pas. On ne peut pas, dans le travail là, du mujtahid, de l'exégèse, utilise tous les moyens, il examine l'expression de chacun des compagnons, il regarde l'authenticité des textes, etc. Et puis là, il n'arrive pas à. Il ne peut pas rejeter ni l'une ni l'autre des circonstances. Là, si on ne peut pas réunir les causes, ou si les causes se contredisent aussi, et on n'arrive pas à réunir, on peut dire que le verset a été révélé plus d'une fois, 2 ou 3 fois selon les causes. Exemple, le Bukhari Muslim, il rapporte au moment où la mort approchait d'Abu Talib, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui rendit visite et trouva Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. De tête de la mécréance. Il les trouva à son chevet. Et le professeur Salam dit à mon oncle, dis, Abu Talib était vraiment proche de la mort, il lui dit, il n'est de Dieu si ce n'est Allah, afin que par ces mots, je te défendrai auprès d'Allah. يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. Je te défendrai par ces mots. Dis, il n'est de Dieu. Et Abu Jahl et Umayya ripostèrent. Il dit, oh Abu Talib, renonceras-tu à la confession de Abd al-Muttalib? Ils lui ont rappelé la confession de son père. Et tu vas rejeter la religion de tes parents, de tes ancêtres. Et le prophète sallam ne cessa de lui proposer de prononcer la profession de foi. Dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Et les deux mécréants ne cessèrent de lui répéter à Abu Talib ce qu'il lui avait dit. Et de lui dissuader de le faire. Jusqu'à ce qu'Abu Talib dit, et ce fut sa dernière parole, il dit, il est sur la confession de Abd al-Muttalib. Huwa ala millati Abd al-Muttalib. Et il refusa de prononcer la shahada. Et l'envoyé d'Allah ne se découragea pas. Il dit, par Allah, je ne cesserai d'implorer le pardon pour toi tant qu'Allah ne me l'interdise pas. Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre. Il ne sied ni au prophète ni aux croyants d'implorer le pardon d'Allah en faveur des associateurs, fussent-ils leurs proches. Surat Bara'a, Surat Tawba, Surat 9. Ma kan il nabi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba. Là, Allah révéla ce verset à propos de cette circonstance. Ça, ce hadith-là, se trouve dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Tirmidhi, il rapporte que Ali a dit, j'ai entendu un homme implorer le pardon d'Allah pour ses parents associateurs. Je lui dis, tu implores le pardon d'Allah pour tes parents alors qu'ils sont mushrikins, qu'ils sont des polythéistes. Et il me répondit, Ibrahim a bel et bien imploré le pardon pour son père. L'homme il a répliqué. Et Ali a dit, j'en ai parlé à l'envoyé d'Allah et il reçut ces versets. Il ne sied ni au prophète ni aux croyants d'implorer le pardon d'Allah en faveur des associateurs, fussent-ils leurs proches. Ma kan nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Et le reste du verset, et si Ibrahim avait imploré le pardon pour son père, c'est uniquement à cause d'une promesse qu'il lui avait faite jadis. Mais dès qu'il eut la certitude qu'il est un ennemi d'Allah, il le désavoua. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنَّهِ. Ça c'est dans surat Bara'a, surat, le même verset. Donc, verset de circonstances. Donc, on va dire que le verset a été révélé deux fois. A été révélé deux fois. Sayyuti a consacré un chapitre à la descente à plusieurs reprises d'un seul verset. C'est le chapitre 11. Il l'a appelé Ma takarrara nuzulu. Beaucoup de savants soutiennent ça. C'est-à-dire que c'est possible qu'un verset soit répété plusieurs fois. Quelles en sont les raisons? Pourquoi? Les raisons sages. Premièrement, pour montrer l'éminence du passage révélé, l'éminence de la révélation. Exemple, la Fatiha. C'est pour la raison que nous avons avancé, la grandeur, le mérite. Allah, pour montrer la grandeur de cette sourate, il l'a révélé, il l'a fait descendre deux fois. Et aussi quand la Qibla fut changée, on sait que la Fatiha a été révélée à la Mecque, et quand la Qibla, l'orientation de la prière, elle était vers le Beit al-Maqdis, la mosquée al-Aqsa, et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé et il a fait descendre des versets pour tourner les croyants vers la Kaaba, certains peuvent penser que peut-être en abrogeant l'orientation, Allah a abrogé aussi certaines choses dans la prière, notamment la Fatiha. La Fatiha. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala la révéla une deuxième fois pour pour insister sur son caractère obligatoire. La Fatiha est un pilier de l'aide, des piliers de la prière. Autre exemple, sur le rappel et l'insistance sur la prescription énoncée, c'est le verset de la sourate les abeilles. Les abeilles, sourate 16. Allah subhanahu wa ta'ala dit s'il faut que vous infligiez une punition, que ce soit à la mesure de l'offense subie. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Ce verset est révélé à la Mecque, puisque bon, sourate les abeilles, c'est une sourate mécoise. Et plus tard, à Médine, lors de la bataille de Uhud, la troisième année après l'Hégire, les associateurs, ils ont tué Hamza et l'ont mutilé. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit son corps, il fut très en colère. Et il dit, lorsqu'Allah me donnera la prochaine victoire sur Quraysh, je mutilerai 30 de leur corps. Et là, il reçut ce verset-là. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Si vous devez infliger une punition, que ce soit à la mesure de l'offense subie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il renonça à son dessein. Donc l'une des raisons, c'est la mise en valeur du passage révélé, montrer qu'il n'y a pas d'abrogation, comme j'ai cité tout à l'heure, le rappel et l'exhortation, pour que ça s'enracine dans le cœur. Autre raison citée par les savants, c'est pour compléter les ahruf. Pourquoi la révélation se répète? C'est pour compléter les ahruf, c'est pour compléter les modes de formulation. Une sourate révélée selon un idiome peut révéler selon un deuxième idiome, n'est-ce pas? Donc nous avons dit qu'un seul verset peut avoir plusieurs circonstances causales, mais l'inverse aussi, c'est-à-dire une seule circonstance à l'origine de la révélation de plusieurs versets. C'est-à-dire sur un seul événement, plusieurs versets descendus. Exemple, le hadith de Zayd ibn Thabit dans le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dicté à Zayd ibn Thabit qui tenait une plume, il a dit « La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wal-mujahiduna fi sabili. » Il n'y a point d'égalité entre les croyants qui restent chez eux et ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah. Ça on la trouve dans sourate Nisa. قاعدون من المؤمنين غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين. Il n'y a point d'égalité entre les croyants qui restent chez eux, je laisse un vide, et ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah. C'est ce qui a été révélé au départ. Et Ibn Ummi Maktoum, qui était aveugle, c'est le muadzin, c'est l'un des muadzins, Ibn Maktoum, avec Bilal et Ibn Mahdoura, les muadzins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était aveugle, et il était là, il a dit au envoyé d'Allah, mes yeux ont une infirmité, si je pouvais faire le jihad, je le ferais. Et avant que Zayd n'eût terminé d'écrire, le prophète sallam reçut une autre révélation. Ghayru ulil darar, exception faite de ceux qui ont une infirmité. Et le prophète sallam demanda à Zayd de mettre exception faite de ceux qui ont une infirmité. Entre les deux phrases, il n'y a point d'égalité entre les croyants qui restent chez eux, ceux qui mènent le combat dans la voie d'Allah. Mais là ici, dit le prophète, ça c'est le tartil textuel, ça c'est une cause. Et pour la même cause maintenant, Ibn Abi Hatim, il rapporte que Zayd ibn Thabit a dit, j'écrivais une fois la révélation que recevait le prophète, j'avais encore la plume sur l'oreille quand le prophète reçut la révélation sur le jihad, sur l'ordre de mener le jihad. Et là, un aveugle lui dit, comment? Il lui a dit comment. Un aveugle est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, comment ferais-je, mènerais-je le jihad alors que je suis aveugle? C'est alors que Zayd ibn Thabit, toujours il raconte ça, il a dit, c'est alors que le passage suivant fut révélé, n'est pas astreint à combattre l'aveugle, le boiteux et le malade. Et ça, c'est un verset qui se trouve dans sourate al-Fath. Donc, deux versets différents pour une même cause. Verset de Sourate Nisa et verset dans Sourate Al-Fath ont été révélés pour une seule cause. Bien sûr, dans tout ça, il faut examiner les propos des compagnons, examiner les faits, leur moment, leur date et les chaînes de transmission. Bon, je vais voir l'arbre des sciences. Alors, j'ai les causes de la descente, ce qui a été révélé en dehors des circonstances causales, et ce qui a été révélé, ce qui a été descendu à la suite d'un événement, une question. Alors, ce qui a été révélé à la suite d'un événement, on l'a divisé en deux. Alors, verser dans la révélation suit la cause, ça c'est dans la majorité des cas, hein. Les circonstances arrivent, puis la révélation descend, n'est-ce pas? Et verser dans la révélation, maintenant, verser dans la révélation est antérieur à leur cause. Verser dans la révélation est antérieur à leur cause. Exemple dans la sourate Al-A'la. A d'ores et déjà réussi celui qui s'est purifié, tazakka, a invoqué le nom de son Seigneur puis a prié. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Ça c'est le verset 14 et 15 de sourate le Très-Haut, l'A'la. Le Bayhaqi il rapporte. Le Bazar aussi, il rapporte ce texte-là. Qu'Ibn Omar a dit que ce verset concerne la zakat de la rupture du jeûne. De la rupture du jeûne. Hein? A d'ores et déjà réussi celui qui a fait la zakat. Qad aflaha man tazakka. A d'ores et déjà réussi celui qui a fait la zakat. Tazak. Wa zakara sma rabbihi fa salla. A fait le zikr, le takbir. Puis. Face à Allah, puis à prier, c'est-à-dire puis à assister à la prière de la fête de la rupture du jeûne. Or, ces versets ont été révélés à la Mecque. Sourate Al-A'la a été révélée à la Mecque. N'est-ce pas? Elle a été révélée à la Mecque. Alors que la zakat de la rupture du jeûne n'a été prescrite qu'à Médine. Le jeûne aussi n'a été prescrit à Médine. La fête, la prière de la fête. De la rupture du jeûne n'a été prescrite qu'à Médine. Donc, le verset dans Sourate Al-A'la à la Mecque et la cause à Médine plus tard. Donc, c'est un verset dont la révélation est antérieure à la cause. Autre exemple, dans Sourate Al-Balad. La uqsimu bihadha al-balad, wa anta hillun bihadha al-balad. Non, j'en jure par cette cité. Tu n'es pas soumis aux interdictions sacrées dans cette cité. La uqsimu bihadha al-balad, wa anta hillun bihadha al-balad, wa walidin wa ma walad. Sourate al-balad. Wa anta hillun bihadha al-balad. Anta hill, c'est-à-dire que ce qui est interdit dans cette cité, la Mecque, du fait de son caractère sacré, t'est licite. Vous savez que la Mecque, c'est un territoire sacré, il est interdit de chasser le gibier, de couper les arbres, etc. C'est un haram. C'est un haram. Mais Allah dit à son prophète, tu n'es soumis au... Antahillun halal. Tu y es halal, c'est-à-dire que tu n'es pas soumis aux interdictions sacrées. C'est-à-dire, tu peux combattre à l'intérieur. Tu peux sanctionner les mécréants, tu peux, mais le professeur ne pouvait pas sanctionner et l'ordre du combat n'a pas été prescrit et la cité reste sacrée. Comment on comprend ce verset-là alors? Ce n'est que des années plus tard, avec la conquête de la Mecque, qu'Allah a rendu licite la cité. Ce n'est que des années plus tard. Qu'il l'a rendu licite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant un certain temps, c'est-à-dire un moment de la journée. Il l'a rendu licite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier, pour qu'il combatte les polythéistes, c'est-à-dire l'année 8 de l'Hégire, la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à la Mecque en tant que triomphateur. Et la cité était illicite au combat et aux autres interdictions. C'est-à-dire que en dehors de ce moment-là, elle est haram. Mais à l'exception de ce moment-là précis, Allah lui a rendu la cité licite. C'est un privilège accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Révélé à la Mecque et sa réalisation s'est produite des années plus tard. Un autre exemple. Qui donc tiendrait un meilleur discours que celui qui appelle les hommes à Allah, accomplit les œuvres pies et proclame je me range parmi ceux qui se soumettent à Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال إنني من المسلمين. C'est dans sourate Fussilat. Aïcha, Ibn Omar et Ikrima et d'autres ont dit que ce verset a été révélé au sujet des muaddin, de ceux qui font l'adhan. Or l'adhan n'a été prescrit qu'à Médine. L'adhan n'a été prescrit qu'à Médine. Et ce verset-là, la sourate Fussilat, sourate 41, a été révélé à la Mecque. Et Aïcha et Ibn Omar Akrima, ils disent ce verset-là a été révélé au sujet du Muzdin. D'accord ? Donc ce n'est que plus tard qu'il y eut la réalisation de ce verset-là. Ça, c'est un exemple où les versets du verset dont la révélation est antérieure à la cause. Alors, dans l'arbre des sciences, concernant les versets qui ont été révélés suite à une cause, bon, ça se divise en deux circonstances causales uniques à l'occasion de la révélation d'un passage coranique. Deuxièmement, circonstances causales multiples entourant la révélation d'un passage coranique. Ça, on l'a fait, circonstances causales multiples pour un même verset ou même passage. Circonstances causales uniques à l'occasion de la révélation d'un passage coranique, on a donné des exemples seulement que cette branche se divise en trois sous-branches, c'est-à-dire les circonstances causales, c'est soit à la suite c'est soit une question, soit un événement, soit une adéquation des passages révélés à des propos tenus par des compagnons. Donc, sabab al-nuzul, la cause de la révélation, peut être une question, un événement, ou l'ittifaq, le fait que le compagnon dit une parole et cette parole est confirmée par la révélation. La question, exemple, pouvons donner des exemples. Des gens ont demandé au prophète pourquoi il y avait des croissants lunaires. Une question de ce genre. On dit pourquoi la lune change de forme, un petit croissant, puis la pleine lune. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète « Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit lin-nas wal-hajj » Il t'interroge au sujet des croissants lunaires. Dis-leur, ce sont les repères temporels pour les hommes et pour le pèlerinage. Ça, c'est dans Sourate Al-Baqarah. Ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la raison qui fait que la lune augmente ou puis diminue, une explication de ce phénomène. C'est bien de se renseigner sur cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soutenu par la révélation divine, a attiré leur attention vers une raison encore plus sage, qui leur profitera dans ce monde et dans l'au-delà. Allah a révélé قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ Ce sont des repères temporels pour les hommes et pour le pèlerinage. C'est bien de connaître les phases lunaires, que cela dépend de la position de la lune par rapport au soleil et à la terre, du déplacement de la lune autour de la terre, c'est bien ça. Mais qu'elle soit un repère temporel qui t'indique l'entrée du mois de Ramadan pour le jeûner, le mois de Shawwal, le mois de Shawwal pour t'indiquer l'entrée des mois du pèlerinage, comme a dit. Ce sont des repères temporels pour les hommes et pour le pèlerinage. Shawwal, Zulqa'da et Zulhijja sont les mois du pèlerinage. Donc, la lune, ça te l'indique, ça t'indique ces mois-là. C'est bien qu'elle t'indique le 9e et le 10e jour du Muharram pour le jeûner, qu'elle t'indique les 10 premiers jours du Muharram pour y accomplir des œuvres pies. Le 13e, le 14e et le 15e, la pleine lune, ça t'indique qu'il faut que c'est méritoire de jeûner ces jours-là. Donc c'est des repères. Des repères pour la femme. Hein? Le cas par exemple de la retraite de continence, les iddah, la retraite de la femme en deuil, le deuil de 4 mois et 10 jours, ça te donne, le croissant linéaire te donne ces repères-là. Ça, c'est encore plus méritoire et c'est encore mieux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention, leur attention vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui leur profite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est une réponse sage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en réponse à une question, je vous ai donné cet exemple. Et deuxièmement, suite à un événement, on a cité des exemples. C'est plus nombreux. Troisièmement, et c'est ce que nous n'avons pas abordé encore, c'est la descente de versets comme ils ont été prononcés par certains compagnons. Ça, Suyuti lui a consacré un chapitre. C'est le 10e chapitre. An-naw'u al-'ashir fi ma nazala min al-Qur'an 'ala lisani ba'd as-sahaba. Il a dit, c'est l'un des aspects des causes de la descente. Voilà ce qu'il a dit. Soyote, c'est l'un des aspects de la cause de la descente, et c'est dans sa majorité des révélations en accord avec les propos de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et ça, le professeur sallam en a témoigné. Il a dit, comme le rapporte Tirmidhi, hadith authentique, qualifié d'authentique par Cheikh Al-Albani, il a dit, Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Omar wa qalbi. La vérité, Allah a fait que la vérité sort de la bouche de Omar et loge dans son cœur. Prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît Omar. Il a vanté les mérites de Omar. Il dit, Omar est un des hommes inspirés. Même une ummatin illa wa fiha unasun muhaddathun. Fa iyakun fi ummati fa Omar. Il dit, dans chaque communauté, il y a des gens qui ont de l'intuition, qui sont inspirés. S'il y en a un dans ma communauté, ce sera bel et bien Omar ibn Khattab. Omar, radiallahu anhu, lui-même, comme le rapporte le Bukhari, il a dit, dans trois occasions, j'ai proposé un avis que mon Seigneur a confirmé dans sa révélation. J'ai dit à l'envoyé d'Allah, que ne prends-tu pas le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière? Le maqam, la station d'Ibrahim, proche du Hijr, proche de la maison, la Kaaba. C'est là où le pèlerin accomplit deux rak'at quand il termine le tawaf et boit l'eau de Zamzam. Il a dit, que n'as-tu pris? Que ne prends-tu pas le maqam d'Ibrahim comme lieu de prière? Et le verset suivant fut révélé. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Prenez du maqam d'Ibrahim un lieu de prière. Comme a dit Omar radiallahu, sourate al-Baqarah. Omar a dit, j'ai dit, envoyé d'Allah, ordonne à tes épouses de porter le hijab, car parmi les gens qui leur parlent, il y a les pieux et les pervers. Et Allah subhanahu wa ta'ala révéla, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leurs grandes voiles. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'i al-mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, dans sourate l'Ahzab. Et quand les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, complotèrent contre lui à cause d'une affaire de jalousie, je leur dis, c'est Omar qui parle, il dit, je leur dis, il se peut que s'il vous répudie, son Seigneur vous remplace par des épouses meilleures que vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Sourate Tahrim, il a révélé ce passage-là exactement qu'a dit ce mot, cette phrase qu'a prononcé Omar radiallahu anhu. Il se peut que s'il vous répudie, son Seigneur vous remplace par des épouses meilleures que vous. En vérité, pas seulement ces trois occasions, dans ces trois occasions que Omar a dit des propos conformes à la révélation, à plusieurs occasions. Une fois, quand il fut révélé le verset de Sourate al-Mu'minoun, certes, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, et là, Omar écoutait, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, Omar écoutait attentivement, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Donc nous avons fait ensuite une goutte de sperme logée dans un réceptacle bien protégé. ثم جعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة ثم جعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاما فكسونا العظام اللحمة. صديق tout le reste de ce verset là que le prophète recevait d'Allah, un caillou de sang, puis un morceau de chair, puis le morceau de chair, on en fait des os, puis on couvre les os avec de la chair. Tous ces passages merveilleux, ces passages de la création de l'homme, et Omar écoutait, puis Omar a dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Quand il a entendu ces paroles, il a dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Il s'est exclamé, il dit « Béni soit Allah le meilleur des créateurs ». Et juste après, il fut révélé « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin ». Le verset s'est conclu par les propos mêmes d'Omar ibn al-Khattab. Subhanallah, le cœur du croyant est comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nur, comme un cristal, hein. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري. L'image de sa lumière, la lumière d'Allah, est une niche où se trouve, c'est-à-dire la lumière d'Allah dans le cœur du croyant, est une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal. Le cristal, on dirait un astre étincelant. Un cristal. Il voit la vérité à travers sa limpidité et sa transparence. Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Les péchés, ils troublent la transparence du cristal. Comme la rouille dans la glace, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, dans un hadith, il assimile le cœur du croyant à une glace. Et puis, la rouille, c'est les péchés. La transparence, il regarde la vérité à travers la transparence. Quand il n'y a plus de rien qui trouble cette transparence, il voit la, subhanallah, il voit la vérité claire. Omar a atteint un degré de foi très élevé. Parfois le voile entre son cœur et la vérité s'évanouit et il dit des paroles lumineuses qui concordent avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ihsan, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est adorer Allah comme si on le voyait. Voilà, nous avons donné cet exemple-là avec lequel on a clôturé toute la branche des sciences relatives à la descente du Coran avec ses 5 sous-branches. Modalité de sa descente, les circonstances de la descente du Coran, les causes de la descente du Coran, ordre de la descente des versets du Coran, et la façon dont le Coran a été descendu. Nous avons terminé, alhamdoulilah, cette branche. Nous allons passer la prochaine fois nous allons attaquer une autre branche, ce soit le tartil, science relative à l'agencement des sourates et des versets, ou le tadoui, inshallah. Subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.